Bismillahirrahmanirrahim. Les éditions de Dammaj ont le plaisir de vous présenter la description du Hajj et de la Umrah, une série de cours donnés par le frère Abdul Hamid al-Jazairi hafidhahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyat bi Dammaj au Yémen. Cours numéro 4, Shurutul Hajj ila yawmi Arafah, les conditions du Hajj jusqu'au jour de Arafah. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dans les cours précédents, on avait terminé, wa alhamdulillah, de parler de la Umra, d'al manasik al-Umra et des rites de la Umra. Et aujourd'hui, bi'ithnillahu ta'ala, on va commencer à parler du Hajj et des mérites du Hajj. Comme on a parlé dans la Umra, des mérites du Hajj, des mérites de la Umra, on va commencer par parler des mérites du Hajj avant de rentrer dans manasik al-Hajj. Parce qu'il faut savoir que les mérites du Hajj sont nombreux, alhamdulillah, et on va citer quelques hadiths ou quelques exemples pour montrer les mérites du Hajj. Bien sûr, c'est que quelques extraits. Si celui qui veut voir les mérites du Hajj réellement, qui veut avoir plus de connaissances sur les mérites du Hajj, alhamdulillah, il y a les livres dans le fiqh qui parlent des mérites du Hajj. Donc, parmi les mérites du Hajj, on va citer le hadith de Abi Hurayra, radiyallahu ta'anhu. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة. D'après أبي هريرة رضي الله عنه, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit le hajj accepté n'a pas d'autre récompense que le paradis. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد قال لا لكن أفضل الجهاد الحج المبرور. D'après Aïcha رضي الله تعالى عنها qui est المؤمنين la mère des croyants, la femme du prophète صلى الله عليه وآله وسلم, a dit au prophète صلى الله عليه وسلم: nous voyons que le jihad, fi sabilillah, est la meilleure des ibadah, la meilleure des œuvres. Ne devons-nous pas faire le jihad? Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, non. Mais le meilleur jihad pour la femme est le hajj accepté. Wa'an Abi Hurayra, radiyallahu ta'ala anhu, قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. D'après Abu Hurayra, le prophète صلى الله عليه وآله وسلم a dit celui qui fait son hajj pour Allah et qui n'a pas de rapport et ne commet pas de perversité durant le hajj, revient comme le jour où sa mère l'a enfanté, comme le jour de sa naissance. Parmi les mérites du hajj, c'est qu'il y a, durant le hajj, un jour qui est Adim, qui est le jour de Arafah. Et le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a dit ما من يوم أكثر من يعتق الله فيه عبدا من نار من يوم عرفة وأنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit il n'y a pas un jour où Allah affranchir plus de monde du feu que le jour de Arafat. Et Allah subhanahu wa ta'ala se rapproche et vante les gens de Arafat devant les anges. Vante les mérites des gens de Arafat devant les anges. Et yani, pour résumer, pour montrer réellement yani, les mérites du Hajj, les mérites du Naam du Hajj, il faut savoir que le Hajj, c'est parmi les mois sacrés, qui est Dhul-Hijjah. Et c'est durant des jours sacrés, qui sont les 10 jours de Dhul-Hijjah. Il comporte, yani le Hajj, un jour sacré, qui est le jour de Arafat. Et que c'est dans un territoire sacré, qui est le territoire de la Mecque, avec des rites sacrés, tels que le tawaf, le sa'i, le sacrifice, etc. Et je pense que ça suffit pour montrer les mérites du Hajj. Et comme j'ai dit au début, cela n'est qu'un extrait des mérites du Hajj. Et comme toute adoration, le Hajj, il a des conditions et des piliers. Comme la salat, elle a des conditions et des piliers. Le siyam, il a des conditions et des piliers. La zakat, elle a des conditions et des piliers. Etc. Toutes les ibadas, elles ont des conditions et des piliers. Et le Hajj, c'est pareil. Le Hajj, il a des conditions et des piliers. Yani celui qui veut noter les conditions et les piliers du Hajj, yani qu'il les note dans un cahier, comme on va les citer, Inch'Allah Ta'ala. La première condition, c'est qu'il faut que la personne, elle soit musulmane. Il faut que la personne, elle soit musulmane. Le Hajj, si un kafir le fait, il n'est pas accepté. Al-Nawawi, Ibn Qudama, rahimahumullah ta'ala, ils ont dit, il n'y a pas de divergence sur la condition que la personne soit musulmane. C'est-à-dire, yani, les savants, ils sont unanimes sur le fait que la condition pour que le hajj soit accepté ou soit valable, il faut que la personne soit musulmane. La deuxième condition, c'est qu'il faut jouir pleinement de ses facultés mentales, ay al-aql. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être fou. Personne qui est fou, qui est handicapé mental, cette personne, yani, elle n'est pas obligée de faire le hajj. Et la preuve sur ça, c'est le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a dit رُفِعَ الْقَلَمْ عَنْ ثَلَاثِ وَمِنْهُمَ الْمَجْنُونَ حَتَّى يَعْقِلْ. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam a dit, la plume a été levée pour trois personnes, et parmi eux, il cita le fou jusqu'à ce qu'il retrouve la raison. L'imam Nawawi rahimahullah ta'ala a dit, il y a unanimité de la communauté que le hajj n'est pas obligatoire pour le fou. C'est un ijma que Nawawi rahimahullah ta'ala il a rapporté, comme quoi le fou, il n'est pas obligé de faire le hajj. La troisième condition, c'est al-bulugh, la puberté. C'est-à-dire l'âge d'accomplir les prescriptions islamiques. Ou on va dire, où le moment où l'homme peut se retrouver en état d'impureté rituelle majeure. Et où la femme commence à avoir ses menstrues. On va définir le al-bulugh par ces deux caractéristiques. Et la preuve, qu'il faut avoir la puberté, C'est le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam il a dit Rafa al qalam an thalath wa minhum as-sabi hatta yablug. La plume est levée sur trois catégories de personnes, et parmi lesquelles il cite à l'enfant jusqu'à ce qu'il atteint la puberté. Et Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala, a dit et nous ne connaissons pas de divergence sur ce point. C'est-à-dire, Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala, il rapporte un ijma comme quoi la puberté c'est une condition pour que le hajj soit accepté. Elle dit il n'y a pas de divergence entre les savants sur cette question. La quatrième condition pour le hajj, c'est la liberté. La liberté, ça veut dire qu'il ne faut pas être un esclave. Dernier, cette condition actuellement, au jour d'aujourd'hui, elle n'existe plus. Dernier, il n'y a plus d'esclaves à notre époque. À la coulihal, dernier, comme les savants ont rapporté cette condition, on va la rapporter. Et parmi les conditions, c'est la liberté. Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala, a dit quant à l'esclave, le hajj ne lui est pas obligatoire, car c'est une adoration qui prend du temps et qui demande la capacité dans la nourriture et dans la monture. Et par cela, l'esclave ne va pas donner, si l'esclave fait son hajj, il ne va pas donner à son propriétaire son droit, ou va négliger le droit de son propriétaire sur lui. Donc le hajj ne lui est pas obligatoire, tout comme le jihad. Ensuite, Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala, après avoir apporté cette parole, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Et nous ne connaissons pas de divergence à ce sujet. » C'est-à-dire qu'Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala, pareil, il rapporte un avis comme quoi il n'y a pas de différence entre les savants sur le fait que l'esclave n'est pas obligé de faire le hajj. La cinquième condition, c'est la capacité. La capacité. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Traduction: il est un devoir pour les gens envers Allah Azza wa Jal de faire le hajj à la maison sacrée pour celui qui en a les moyens. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala a dit la capacité est une condition pour l'accomplissement du hajj, et sur cela, yani sur cet avis comme quoi la capacité est une condition pour l'accomplissement du hajj, l'ensemble des muslimines sont d'accord. Yani tous les muslims sont d'accord sur le fait que faut avoir les moyens de faire le hajj. Je voudrais qu'on définisse exactement c'est quoi l'istita'a, c'est quoi la capacité. Parce qu'on trouve dans beaucoup de hadiths et dans beaucoup de versets comme quoi il faut la capacité al-istita'a. Et plusieurs choses ont été citées par les savants sur al-istita'a pour définir l'istita'a, la capacité. La première des conditions, c'est la santé. Il faut que la personne soit en bonne santé. La deuxième condition, c'est la nourriture et la monture. La troisième condition, c'est le billet du voyage, si l'on doit prendre l'avion ou le bateau. La quatrième condition, sont les moyens financiers durant ton séjour à Mecca durant la période du Hajj, avec bien sûr les moyens de revenir. Et Ibn Qudama rahimahullah ta'ala a dit qu'il a les moyens supplémentaires, c'est-à-dire qu'il faut qu'il puisse partir, laisser sa famille avec de quoi vivre durant son absence, jusqu'à son retour. Car c'est le droit de sa famille sur lui, et sa famille est plus en droit, et plus dans le besoin que lui de faire son hajj. Sa famille a plus de droit sur lui que lui de faire son hajj. Le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a dit كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَضِيعَ مَنْ يَقُودُ. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il suffit à l'homme, comme grand péché, le fait de négliger sa famille ou le fait de négliger ceux qui sont sous sa responsabilité. Il suffit à l'homme, comme péché, de négliger ceux qui sont sous sa responsabilité. Et ça montre la gravité du péché de négliger sa famille. Et pour la femme, il y a une sixième condition. Cette condition, elle est spécifique à la femme. Et qui est le mahram. C'est quoi le mahram? Le mahram, il est défini comme étant une personne avec qui il t'est strictement interdit de te marier. Ou ton mari. Et le dalil, c'est le hadith suivant, où le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam a dit « Et la femme ne peut voyager si ce n'est avec un mahram. » Et un homme dit au prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam « Mon épouse ou ma femme va faire le hajj. » Et j'ai été inscrit dans la liste des mujahidin. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam lui a dit « Va et fais le hajj avec ton épouse. » Ce hadith, il est clair et il montre l'importance du mahram pour la femme. Que le sahabi, radiyallahu ta'anhu, il est inscrit dans une liste pour partir au jihad. Al jihad, tous on connaît son importance. Malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, il lui a donné l'autorisation, ou lui a ordonné de partir ou de rejoindre sa femme au hajj afin qu'elle ne voyage pas seule. Et cette condition, le mahram, ça rentre dans la ayah suivante, man istata' ilayhi sabila. C'est une condition qui rentre dans le verset que nous vous avons cité, celui qui en a les moyens. Si la femme elle n'a pas de mahram, elle n'a pas les moyens de faire le hajj. Elle n'est pas obligée, dans ce cas-là, de faire le hajj. La question qu'on pourrait se poser ensuite, est-ce que la puberté, le raisonnement et l'islam sont une condition pour être mahram? Est-ce qu'il faut avoir la puberté, le aql et l'islam pour être mahram? Ibn Qudama rahimahullah ta'ala a dit, c'est une condition concernant le mahram d'être pubère et raisonnable. Et on a demandé à l'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, est-ce que l'enfant qui n'est pas pubère, qui n'a pas tout son aql, peut être mahram? L'imam Ahmad rahimahullah ta'ala a répondu non, jusqu'à ce qu'il atteint la puberté, car il n'est pas capable de s'occuper de lui-même. Comment peut-il sortir avec sa mère ou sa sœur dans le but? Et le but du mahram est de protéger la femme. Et cela ne peut être fait seulement si la personne est raisonnable et pubère. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que la femme, c'est pas là un frère de 4 ans, ou un enfant de 4 ans, ou de 8 ans, ou 10 ans, ou 11 ans. Elle dit voilà, Yarni, je vais faire mon hajj avec mon fils, ou mon frère, ou moi. Ils ont cet âge-là. Non, ils ne rentrent pas dans les mahrams. Ils ne rentrent pas dans les mahrams jusqu'à quand il a atteint le boulour. Et parmi les boulours, on a cité les conditions parmi lesquelles c'est le moment où l'homme il commence à se trouver en état d'impureté rituelle majeure, où il commence à avoir des poils qui lui poussent autour des parties. Et la femme, et parmi la femme, c'est le moment où elle commence à avoir ses menstrues. Et cet âge, c'est environ de 15 ans. Cet âge, il est environ 15 ans environ, approximativement. Mais ça, c'est les signes comme quand on reconnaît une personne qui a atteint la puberté. Quant au fait du mahram qui n'est pas musulman, l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala a dit: si la personne est raisonne quant à l'islam, le kafir ne peut pas être le wali de sa fille pour le mariage. Le kafir, il ne peut pas être tuteur de sa fille pour le mariage. Il dit: comment alors il peut être le tuteur de sa fille pour le voyage? Ça, c'est l'avis de l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala, et tout ce qu'on connaît l'imam Ahmad, l'imam Ahl Sunnah wal Jama'a. Maintenant, on va mentionner les conditions ou les piliers du Hajj. Quels sont les piliers du Hajj? Le premier pilier, c'est l'ihram, qui est l'état de sacralisation. Le deuxième pilier, c'est Arafa, le moment où tu vas te tenir à Arafa. Le troisième pilier, c'est Tawaf al-Ifada. Tawaf al-Ifada. Et le quatrième pilier, c'est le Sa'i entre Safa et Marwa. Il faut savoir que celui qui délaisse un pilier, son Hajj devient nul. Il n'y a pas beaucoup de piliers à respecter. Inch'Allah, je ne pense pas que c'est compliqué à respecter ces piliers. Et c'est stupide de perdre son Hajj pour avoir négligé un pilier. Quels sont les actes obligatoires pour le Hajj? Le premier acte obligatoire pour le Hajj, c'est l'ihram. À l'ihram, comme on a expliqué, toi, dès que tu as fait ta umra juste avant, tu n'as pas besoin de retourner par exemple à Medina pour te remettre en ihram. Ou de sortir du territoire sacré pour être en ihram. Non. Une fois que tu es arrivé à Mecca, tu te mets en ihram à partir de l'endroit où tu te trouves. Ce n'est pas une condition. Quelqu'un il va dans le Masjid Haram, il se met en ihram dans le Masjid Haram. Non, tu te mets en ihram à l'endroit où tu te trouves. Si tu es à l'hôtel, tu te mets en ihram à l'hôtel. Si tu es dans une maison, tu te mets en ihram dans une maison. Ce n'est pas une condition de retourner au miqat que tu avais laissé. La deuxième condition obligatoire, des actes obligatoires, c'est qu'il faut que tu restes à Arafat jusqu'au coucher du soleil. Ça, c'est la deuxième condition. La troisième condition, ou acte obligatoire, troisième acte obligatoire, on va l'appeler comme ça, comme les autres, premier acte obligatoire, deuxième acte obligatoire, c'est que tu restes à Arafat jusqu'au coucher du soleil. Troisième acte obligatoire, c'est de passer la nuit à Muzdalifa. Avec ça, il y a un tafsir, il y a une explication, qu'on va donner plus tard, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le quatrième acte obligatoire, c'est de passer deux ou trois nuits à Mina. Le cinquième acte obligatoire, c'est de lapider les stèles. Que lapider les stèles, c'est ce qu'on appelle le Rami al-Jamarat. Rami al-Jamarat. Qui sont de trois. Al-Sughra, Al-Wusta, Al-Kubra. La sixième acte obligatoire, c'est de se raser la tête. Et le dernier acte obligatoire, c'est le fait de faire tawaf al-wada dès que tu vas partir de Mecca. Et celui qui laisse un acte obligatoire du Hajj, il va devoir faire un sacrifice, yani sacrifier un mouton, et il devra distribuer la viande de ce mouton sur les pauvres de Mecca. Quant aux actes interdits durant ton ihram, c'est exactement les mêmes que nous avons cités pour la Umra. Il n'y a aucune différence. Et pour ça, yani, comme j'avais dit dans le cours de l'Umra, de prendre un kaya, de noter acte obligatoire, acte mustahab, acte interdit, celui qui les a notés, alhamdulillah, il n'a plus qu'à revenir telle page, acte interdit. C'est où il met dans son cahier, yani revenir à telle page de son cahier, ou bien il le renote. Yani ça revient à lui, chacun voit ce qui lui est préférable. Et les choses préférables sont exactement les mêmes qu'on a cité pour l'Umra. C'est pour ça qu'Yani, celui qui veut, il réécoute les cours de l'Umra, il les note, ou celui qui nous a dit dans son cahier, il les remporte ici, ou il met à voir tel cours, telle page dans son cahier. Yani, c'est une ishara, on ne va pas redévelopper l'Umra dans le cours du Hajj. Donc, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, on va commencer à expliquer le Hajj. Il faut savoir que le Hajj, il y a trois formules. Pour faire le Hajj, il y a trois formules. Tu peux mettre une de ces trois niyas. Ou bien il y a tamattu', qui est ce que, yani le plus souvent, ceux qui partent en voyage organisé font. Et c'est celui-là dont on va parler. Ou bien il y a le qiran, ou bien l'ifrad. Et nous, celui qui nous intéresse, c'est tamattu'. C'est pour ça qu'on va expliquer que à tamattu', on ne va pas parler des deux autres formules. Et là, tamattu', selon l'avis d'Ibn Abbas, d'Ibn Omar, d'Al Hassan, radiallahu ta'ala anhum, et d'autres sahabi wa tabi'i, ils sont d'avis que tamattu', c'est la meilleure formule du Hajj, et c'est celle que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il avait encouragé à faire. Depuis tout à l'heure, on parle de tamattu', mais c'est quoi exactement le tamattu'? Le tamattu', c'est quoi? C'est dès que tu prononces la formule de Umrah, seul au miqat, en période de Hajj. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toi, yani, dès que tu vas faire ta Umrah pendant Ramadan, tu sais que après la fin du Ramadan, tu vas retourner dans ton pays. Tu vas retourner chez toi. Et si tu fais la Umrah dans le mois du Hajj, ben tout son sait, yani, que tu es au miqat. Dès que tu pars pour faire le Hajj en Umrah, tu sais à quel moment tu vas revenir. Tu sais si tu pars pour le Hajj ou pour le Umrah. Et c'est à la colline, il y a un tamattu', dès que tu prononces la formule de Umrah, seul, au miqat, en période de Hajj. C'est-à-dire, par exemple, tu arrives 3 semaines avant le Hajj, tu sais que tu veux faire le Hajj. Donc tu vas prononcer la formule de Umrah, tout en sachant que tu vas rester jusqu'après le Hajj. Taïb. Donc, une fois que toi, tu as fait ta Umrah, comme on l'a expliqué, et dès que c'est le jour de Hajj, tu te remets en ihram. Par exemple, dès que ça va être, on va prendre l'exemple, dès, par exemple, tu vas être au miqat, en période de Hajj, pour faire ton Hajj. Au miqat, tu vas dire Labbaik Allahumma Umrah. Labbaik Allahumma Umrah. Tu vas prononcer cette formule. Ensuite, tu vas faire ta Umrah, comme on l'a expliqué dans Manasik al-Umrah, dans les cours précédents. Une fois que la omarade va être terminée, tu vas te remettre tes vêtements normaux. Tu vas remettre ton kamis, tu vas remettre, tu vas pouvoir te reparfumer. Tout ce qui t'interdit, tu vas pouvoir le refaire. Jusqu'au jour du hajj. Et dès que le hajj arrive, tu vas te remettre en ihram. Comme on a parlé dans l'ihram, c'est le même que pour la omra, il n'y a pas de différence. Et là, tu vas, depuis l'endroit où tu te trouves, par exemple depuis l'hôtel, ou depuis une maison, où tu veux, tu vas dire « Labbaik Allahumma hajja ». C'est-à-dire, Allah, je vais mettre l'intention, ou je m'emmène en ihram dans le but de faire un hajj. Le hajj, il commence quand? Quand est-ce qu'il commence exactement le hajj? Le hajj commence le 8e jour de Zulhijjah. Donc le 8e jour de Zulhijjah, c'est ce qui représente le premier jour du hajj. C'est ce qu'on appelle Yom Tarwiyah. Et Yom Tarwiyah, ce jour-là, le premier jour du hajj, qu'est-ce que tu fais? Toi, Yanni, là, c'est bien que tu marques dans ton cahier, premier jour du hajj. Qu'est-ce que tu fais? Ça va être ton programme. C'est ce que tu vas devoir faire. Ensuite, deuxième jour du hajj, qu'est-ce que tu vas devoir faire? Et ainsi de suite. Alors là, c'est bien que tu marques, par exemple, premier jour du hajj. Tu mets en fluo, tu mets comme tu veux, il faut que tu puisses te retrouver. Dès que tu es rentré en ihram, tu fais la talbiya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la sharika lak. La talbiya est connue, on va la répéter. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la sharika lak. On la répète une troisième fois. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك. Toi, tu vas faire la talbiya comme on vient de la citer et tu vas te diriger où? À Mina. Mina, c'est un endroit qui se trouve à environ 10 km de Mecca. Et dès que tu es arrivé à Mina, tu as le droit de te laver. Mais ça, il ne faut pas utiliser de savon parfumé ou quoi que ce soit, il y en a qui aient du parfum. Dès que tu arrives à Mina, tu vas faire quoi? Tu vas faire le Dhuhr, le Asr, le Maghreb, le Isha, le Fajr. Et tu ne vas pas les faire tous en même temps, non. Tu vas les faire chaque salat à son heure. Et comme dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait quoi? Falamma kana yawm tarwiya tawajjaha ila Mina. Et lorsque c'était le jour de tarwiya, il s'est dirigé à Mina. Fa ahalu bil hajj. Et ils ont prononcé la formule du hajj. وركب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris sa monture et il s'est dirigé vers Mina. فصلى بها أي رسول الله صلى الله عليه وسلم il a صلي à Mina الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a صلي à Mina le ظهر, le عصر, le مغرب et le فجر. Et tu vas passer le jour et la nuit à Mina. Et dès que tu vas être à Mina, les salats, tu vas les faire, tu vas les raccourcir, le qasr. C'est-à-dire quoi? Tu vas faire le dhuhr, qui est de 4 rak'a, tu vas en faire 2. Le asr, qui est de 4 rak'a, tu vas en faire 2. Le isha, qui est de 4 rak'a, tu vas en faire 2. Rien que le maghreb et le fajr, ils restent comme ils sont. 3 pour le maghreb et 2 pour le fajr. Ça, tu ne raccourcis pas. Et chaque salat, tu vas les faire à son heure. Tu ne vas pas faire djamu taqsir, djamu taqdim ou djamu taqhir. Jamu taqdim, c'est le fait de salir l'asr à l'heure du zohar. Ou jamu taqir, c'est le fait de salir le zohar à l'heure du asr. Non. Chaque salat, elle va être faite à son heure, mais sauf, il t'a autorisé de raccourcir tes salats, de faire deux rak'a par salat. Et ça, c'est ce que tu vas faire, on dit le 8e jour de l'Hijja qui représente le premier jour du Hajj. Il faut savoir qu'à Mina, il y a un masjid, une mosquée, qui s'appelle Masjid al-Khif. Et dans cette mosquée, Alhamdulillah, qui est à Mina, il y a des cours qui sont donnés par les savants. Il y a des cours qui sont donnés par les savants. Annie, toi, profite de cet instant, profite du temps que tu as à Mina pour assister à ces cours. Tu vois, tu vas beaucoup profiter. Alhamdulillah, c'est une occasion. Comme vous savez, Annie, en France, les cours, c'est pas quelque chose qu'on trouve tous les jours. Quelque chose, Annie, qui est rare. Alors toi, Annie, ces jours, profites-en, assiste au Doros, assiste au cours donné par les savants, Inch'Allah, tu vas beaucoup profiter. Ça, c'est pour ce que tu vas faire le premier jour du Hajj, le 8e jour de Dhul-Hijja. Le 9e jour de Dhul-Hijja, ça va correspondre au 2e jour du Hajj. Bah, tu peux écrire 2e jour du Hajj. Qu'est-ce que tu fais? 9e jour de Dhul-Hijja. Dhul-Hijja, c'est le mois sacré du Hajj. Tu vas faire quoi? Tu vas faire la salat al-Fajr, Amina. Et tu vas attendre le lever du soleil. Dès que le soleil s'est levé, et que tu as fait la salat al-Fajr, le soleil s'est levé, tu vas te diriger à Arafat. Et Arafat, ça se trouve à environ 21 km de Mecca. Et à environ 10 km de Mina. Et en dirigeant vers Arafat, tu vas faire beaucoup de dhikr. Tu vas faire la talbiya, tu vas lire du Coran, tu vas faire des adhkar, etc. Yarni, tu ne perds pas ton temps. Et prends avec toi, Yarni, de quoi manger sur la route. Prends des fruits, prends de l'eau. Ça dépend si tu fais le voyage, Yarni, en bus ou à pied. À la colline, prends, Yarni, des provisions pour la route. Alhamdulillah, sur la route, tu vas trouver des marchands ambulants. Ils vont te vendre de l'eau, ils vont te vendre des fruits, etc. Au Rakin, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de bousculades. Ça avance doucement. Et toi, prends avec toi, c'est mieux que tu prennes sur la route. Parce qu'avec la bousculade comme ça, c'est mieux que tu comptes que sur toi-même. Prends des provisions. Et si tu as besoin, tu manges directement sur la route. Au Rakin, alhamdoulilah, même si tu n'as pas, même si tu oublies de prendre, il y a des vendeurs ambulants. Ils sont sur la route, ils vendent des fruits, ils vendent des légumes, ils vendent de quoi manger, alhamdulillah. Mais ça, il faut s'attendre aux bousculades. Ensuite, comme on l'a dit, tu vas te diriger à Arafat. Et pour aller à Arafat, c'est où tu vas en bus, ou bien tu vas à pied. Dès que tu arrives à Arafat, le meilleur, c'est d'être proche, de la montagne Ar-Rahma. Si tu peux, c'est le meilleur. Autrement, où que tu sois, ton hajj il est bon. C'est pas parmi les chourotes du hajj d'être proche de la montagne Al-Arafat. Où que tu sois, c'est sahih. Walakin le meilleur, ala al-afdaliyya, sur ce qui est meilleur, on dit. Et une fois que tu vas arriver à Arafat, en principe, tu vas arriver juste un peu avant la khutbah du mufti, Alhamdulillah, le mufti, c'est le Cheikh Abdelaziz ibn al-Cheikh. Le mufti, c'est lui qui, en principe, qui donne les khutbah, c'est lui qui est chargé de ça. Alhamdulillah, ces khutbah, elles sont affaires, hein. Elles regroupent un peu tous les domaines. Donc, toi, tu vas écouter la khutbah du mufti. Et la khutbah du mufti, elle se fait dans la Masjid Namira. Après la khutbah, yani ça va être l'heure où il va faire le dhuhr et l'asr. Il va faire le dhuhr en deux rakha et l'asr en deux rakha. Et ils vont faire jam' wa taksir. Jam', taksir wa taqdim. C'est-à-dire, ils vont réduire la salat. Yani, comme tu as fait à Mina, sauf que là ils vont rassembler entre Zohor et l'Asr. Ils vont faire les deux salettes à l'heure du Zohor avec quoi? Avec un adhan et deux iqamah. C'est comme ça, yani, qui vont faire la salette ce jour-là. Et si toi, mathalan, qadar Allah, c'est possible que ça arrive, t'as arrêté la salette avec l'imam. La salat du dhuhr, elle t'est passée sous le nez, la salat du asr, elle t'est passée sous le nez. Il ne faut pas que tu penses, yani, j'ai perdu mon hajj. Non. Et c'est pas grave. Toi, tu peux toujours faire la salat de la même manière. Si tu peux tout seul ou avec un autre groupe, c'est à la coulée, c'est que tu fasses la salat du dhuhr et du asr en même temps, en les raccourcissant. Comme on l'a dit, avec un adhan. Et deux iqamah. Une fois que tu vas avoir terminé la salat, qu'est-ce que tu vas faire? Dès que la salat elle va être terminée, tu vas te rendre dans les limites de Arafat. Alhamdulillah, il y a des panneaux qui indiquent les limites de Arafat. Une fois que tu es dans Arafat, toi tu vas beaucoup ijtihad dans les doigts. Fais un grand ijtihad dans les doigts. Perds pas l'importance de ce jour, perds pas les mérites de ce jour. On a vu au début du cours, yani les mérites de Arafat. Comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala, il vante ceux de Arafat. Il vante les mérites des gens de Arafat devant les anges. Yani pense à ce mérite. Ijtahid dans les doigts. Ijtahid, fais un grand ijtihad dans les doigts. Parce que Arafat, comme on a dit, yani c'est pas quelque chose que ça va se passer tous les jours. Alors profite de cette occasion. Profite de ce jour. Yani en plus, comme on a dit, yani, c'est Arafat, c'est pendant le Hajj, c'est pendant Ayam, les 10 jours de Zulhijja. Yani, il y a beaucoup de fatl, comme on a dit au début. Toi, yani, tu vas jtahid dans les doigts. Jtahid yani, dans les doigts pour qui? Pour toi. Pour toi-même déjà, awalan. Pour ta famille, pour tes amis, pour les musulmans en général. Et pour les savants aussi. Il ne faut pas oublier les savants. Les savants, yani, ils ont une place importante dans la Umma. Allah, jazahum al khaira, le khair qu'ils font. Le travail qu'ils font. Et toi, yani, si tu leur fais une dua rien que pour eux, voilà, tu leur as pas rendu leur haq, tu vois. Et ça ne te coûte rien. Qu'Allah, yani, il préserve les vivants. Et il fasse miséricorde aux morts. Yani, les savants, yani, dès qu'on dit savants, ce n'est pas seulement les savants de notre époque. Dès qu'on dit Allahumma arham amwatahum. Non, ce qui est voulu, yani, c'est les savants, même avant, à l'époque des Sahaba, à la rousihim, à leur tête, il y avait qui? Le plus grand des savants, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais si on ne dit pas que yani, c'est des savants, c'est parce qu'ils ont un mérite plus grand. Rasulullah, c'est un Nabi. Les Sahaba, ils ont le mérite d'avoir vu Rasulullah. C'est plus grand que des savants. Mais Walakin, c'est à la tête des savants. C'est eux les plus grands savants. Toi, yani, tu penses au Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, Cheikh Nubaz, Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Mourbil, yani, les savants actuels, Cheikh Fawzan, Cheikh Rabia, Cheikh Yahya, yani, et tous les autres savants. Alhamdoulilah, pour le khair qu'ils font, pour yani, le jihad qu'ils font face au, pour bayan le haq. Jazahum Allahu khaira. Toi, n'oubliez pas dans tes doigts. Et ça ne te coûte rien, ça te prend 2 minutes. Et en faisant des doigts pour eux, il y a un ange qui va dire Amin, voilà qu'il y a Mithlo. Il va répondre à ton, à ta dua, et il va dire, yani, et de même pour toi. Donc toi, yani, t'as rien à perdre de faire ta dua pour eux et pour les musulmans en général. Parmi yani, les mérites de faire ta dua pour les musulmans, il y a un hadith qui est venu. Un hadith où Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Il a dit, celui qui dit, qui fait une dua pour un musulman, yani, celui qui dit par exemple, Allahumma aghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allah pardonne aux musulmans, aux musulmanes, aux croyants, aux croyantes, les vivants parmi eux et les morts. Il a pour chacun d'eux une hasana. Et il y a combien de musulmans qui sont passés, combien de musulmans qui ont été sur terre, combien de croyants qui ont été sur terre, min zamini Adam alayhi salam ila yawmina hadha. Il y en a beaucoup. Imagine-toi, pour chacun d'eux, tu as une hasana. Ça, c'est pas un khir que tu vas négliger. C'est pour ça qu'il faut se rappeler du mérite de Arafat, faire beaucoup de dua. Et dès que ça va être l'heure du Maghreb, tu vas faire quoi? Tu vas te diriger vers Muzdalifa. Inch'Allah, on va s'arrêter aujourd'hui ici pour ce cours. Et Inch'Allah, demain on va continuer, bi'idnillahu ta'ala, on va continuer à parler du Hajj et ce qui reste à faire pendant le Hajj. إلى هنا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.